Chapitre 25. De certaines critiques sur les défauts de la poésie. Des raisons qu'on peut leur opposer. Nous parlerons ici des critiques, sur quels objets elles peuvent tomber, et de quelle manière on peut y répondre. Puisque le poète est imitateur, ainsi que le peintre ou tout artiste qui figure, il faut de ces trois choses l'une. Qu'il imite les objets tels qu'ils sont ou qu'ils étaient, ou tels qu'on dit qu'ils sont et qu'ils semblent être, ou tels qu'ils devraient être. Cette imitation se fait par les mots, ou propres, ou étrangers, ou métaphoriques, ou changés de quelques-unes de ces manières dont on accorde le privilège au poète. Outre cela, il n'en est pas de la poésie comme de la politique, ou des autres arts qui n'imitent point. En poésie, il y a deux sortes de fautes. Les unes qui tombent sur la poésie même, les autres qui ne tombent point sur elle. Si la poésie a entrepris d'imiter ce qu'elle ne peut rendre, la faute tombe sur elle. Mais si c'est l'objet qui a été mal choisi, ce n'est plus sur elle que la faute tombe. Par exemple, si on a fait lever à la fois les deux pieds droits à un cheval qui galope, si l'on a péché par ignorance dans quel art, comme la médecine ou autre, ou qu'on ait peint ce qui était impossible, rien de tout cela, de quelque manière qu'il soit, ne tombe sur la poésie. Avec cette distinction, on répondra à la plupart des critiques. Ainsi, premièrement, si la chose employée par le poète n'était pas possible dans l'art dont il parle, c'est une faute. Cependant, si cette faute a conduit l'art à son but, si par exemple elle a rendu l'événement plus piquant, soit dans l'endroit même où elle est, soit ailleurs, elle peut s'excuser. La poursuite d'Hector en est un exemple. Toutefois, si le poème avait le même effet, ou à peu près, en suivant la marche ordinaire de l'art, la faute ne serait plus excusable, parce que toutes les fautes doivent être évitées quand on le peut. On examinera ensuite si la faute est dans ce qui appartient à la poésie même, ou dans ce qui lui est étranger. Car c'est une faute bien moindre d'avoir ignoré que la biche n'a point de cornes que d'avoir peint une biche avec des cornes. Si l'on reproche au poète de n'avoir pas peint les objets comme ils sont, on dira qu'il les a peints comme ils devaient être. Ce fut la réponse de Sophocle en parlant de lui-même et d'Euripide. On peut en user dans l'occasion. Ni l'une ni l'autre de ces raisons n'est reçue. Dites que c'était l'opinion, comme dans ce qui regarde les dieux. Ce qu'on en dit n'est peut-être ni le vrai, ni le mieux. Du moins, on ne le sait pas, comme disait Xénophane. Ce n'est pas l'opinion commune, ce n'est pas le mieux, mais c'est le fait. Comme lorsqu'on blâme Homère d'avoir dit « leurs pics étaient fichés en terre ». C'était la manière de ces peuples, comme aujourd'hui encore chez les Illyriens. Quant à ce qui devait ou ne devait pas être dit ou être fait, il ne faut pas seulement considérer ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait, s'il est bien ou s'il est mal, mais encore celui qui le dit ou qui le fait, et de qui, et à qui, et quand et pourquoi. S'il s'agissait d'un plus grand bien pour y arriver, ou d'un plus grand mal pour l'éviter. On justifie la diction en disant que c'est un mot étranger. On blâme Homère d'avoir dit que la peste attaqua d'abord les mulets. On dira que le même mot signifie « sentinelle ». Il a dit, par un mot ignoble, que Dolon était mal fait. Ce mot est noble quand il se prend pour « lait de visage », et c'est le sens des Crétois. Il fait boire aux ambassadeurs du vin pur. Le même mot signifie « promptement ». Un autre endroit sera justifié par la métaphore. Exemple. Tous les dieux dormaient. Ou encore, lorsqu'ils jetaient les yeux sur le camp troyen. Ou encore, la voix des flûtes aidait au bois. Tous est mis à la place de beaucoup. Parce que tout est beaucoup. Ou encore, autre exemple, l'ours seul ne se baigne jamais dans les flots de l'océan. Il semble que ce qu'on voit le plus distinctement est seul ce qui est. Un autre le sera par l'accent. Hippias de Thasos justifie par là cet endroit d'Homère. Citation « Nous lui promettons la victoire ». Changer l'accent, c'est le songe qui promet, et non Jupiter. et cet autre où le même poète semble dire d'un bois très sec qu'il était trempé de pluie. Ôtez l'accent, vous faites d'un pronom une négation. Par la ponctuation, comme dans Empédocle. Citation. Aussitôt ce qui était immortel devint mortel, et ce qui était simple auparavant devint mixte. Par ambiguïté, exemple, la nuit est passée de plus des deux tiers. Ce plus est ambigu. Par l'abus passé en usage, on appelle vin du vin mêlé d'eau, ouvriers en airain, ceux qui travaillent en fer. On dit aussi des bottes d'étain, que Ganymède verse du vin aux dieux, quoique les dieux ne boivent point de vin, ce qui entre dans la classe des métaphores. Quand un mot semble employé à contresens, il faut examiner en combien de sens il peut être pris dans l'endroit où il est. Ainsi, quand Homère a dit « le javelot resta à la lame d'or » pour dire qu'il s'y arrêta, ce mot peut avoir plusieurs sens dans cet endroit. Mais le plus naturel est qu'il s'y arrêta sans la percer. On peut dire encore ce que disait Glaucon, qu'il y a des esprits qui se préviennent de leurs opinions et qui, ayant condamné un endroit et prononcé en eux-mêmes « cela est », rejettent sans examen tout ce qui est contraire à leur pensée. C'est ce qui est arrivé au sujet d'Icarius. En supposant qu'il était lacédémonien, on a trouvé mauvais que Télémaque, arrivant à Lacédémone, ne l'eût point visité. Mais si l'opinion des Céphaléniens est vraie, qu'Ulysse prit Pénélope chez eux et que son beau-père se nommait Icadius, c'est l'erreur qui a occasionné la critique. En un mot, lorsqu'on voudra justifier un poète qui aura employé l'impossible, on se rejettera sur le privilège de la poésie, ou sur le mieux, ou sur l'opinion. Sur le privilège de la poésie, qui préfère l'impossible vraisemblable au possible qui ne l'est point. Sur le mieux, parce que le modèle idéal du peintre doit être plus beau que la nature, les objets sont tels que les peignait Euxis. Sur l'opinion, qui admet l'incroyable. Cela a pu arriver ainsi dans des temps éloignés. D'ailleurs, il y a un vraisemblable extraordinaire qui ne paraît point vraisemblable. Quand il s'agira des contradictions, on examinera ce qui est dit, comme en dialectique. Si c'est au même et de la même manière, si l'homme parle en son nom, s'il a le même objet, enfin s'il dit ce que doit dire un homme sensé. Une censure juste est celle qui tombe sur les invraisemblances et les méchancetés gratuites. On a un exemple de l'un dans Léger d'Euripide, et de l'autre, dans le Ménélas de son Oreste. Ainsi, la critique peut tomber sur cinq chefs. Sur l'impossible, sur l'invraisemblance, sur les méchancetés gratuites, sur les contradictions, et sur les fautes de l'art. Les réponses se tirent des lieux communs que nous avons marqués, et qui sont au nombre de 12.